cet homme de Galilée, de Galilée. Il est tellement merveilleux pour moi. Il est juste, il est bon, il est merveilleux pour moi. Oh, j'aime cet homme de Galilée. Alors que c'est merveilleux, Dieu rend grâce au Seigneur pour être tout près de son amour. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pour être dans sa vie, il rencontra la femme de Samarie. Elle lui donna sa vie afin de s'écrier, oh, venez voir cet homme de Galilée. Que j'aime cet homme de Galilée, de Galilée. Il est tellement merveilleux pour moi. Il est juste, il est bon, il est merveilleux pour moi. Oh, j'aime cet homme de Galilée. Que j'aime cet homme de Galilée, de Galilée. Il est tellement merveilleux pour moi. Il est juste, il est bon, il est merveilleux pour moi. Oh, j'aime cet homme de Galilée. Quand la paix du Seigneur roula la pierre de fer, se rendant aux élus des nations. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pour être dans sa vie, il est merveilleux dans le Saint-Esprit. Oh, et j'aime cet homme de Galilée, de Galilée. Il est bon, il est merveilleux pour moi. Oh, j'aime cet homme de Galilée. Que j'aime cet homme de Galilée.